Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Et nous accueillons aujourd'hui Camille Touleland. Camille qui est chargée de médiation patrimoniale et adjointe de l'animatrice de l'architecture et du patrimoine pour le Pays Loire-Touraine. On déplie la totale. C'est un peu long. Hein. Bonjour Camille. Bonjour Marlène, bonjour tout le monde. Camille vient nous présenter aujourd'hui les animations prévues pour les vacances de février. Puis elle va aussi nous expliquer comment le service construit tout au long de l'année toute une offre d'actions éducatives autour du patrimoine, que ce soit pour les familles, pour les enfants, pour les scolaires et pour tous ceux qui aiment découvrir en s'amusant. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances de février pour les familles et les enfants ? Alors en effet, une date à noter absolument, c'est le mardi 17 février et on sera dans la très jolie commune aussi de Saint-Ouen-les-Vignes. Et là c'est un atelier qu'on aime beaucoup, c'est l'atelier gâteau façade. Le principe c'est qu'on va faire une visite de Saint-Ouen-les-Vignes, découvrir là encore les principaux édifices de la commune, les différents styles d'architecture, de décor. Et ensuite, les enfants, toujours pour les enfants de 6 à 12 ans, vont se transformer en architectes pâtissiers. Et en fait, sur une grande base de génoise, bah, ils vont avoir des fruits secs, des bonbons, des coulis, du chocolat, enfin plein de choses. Et ils vont reproduire sur la génoise la façade d'un des édifices qu'ils auront observé dans la commune. Le défi, ça va être de se retenir de goûter avant que la création soit terminée. Alors ça, ça a toujours un succès phénoménal. Ouais, c'est très chouette. Les places sont comptées là encore. Hein. Oui, là, c'est vraiment sur inscription obligatoire, ouais. Ça, ce sera pour le premier atelier des vacances d'hiver. Et pour le deuxième atelier, on sera à la Ville aux Dames. On va découvrir l'église de la Ville aux Dames, en particulier les vitraux. On va faire un atelier très chouette, donc petite visite dans l'église, et puis après un atelier de peinture sur vitrail. Et là encore, le principe, c'est que les enfants pourront rapporter ensuite leur création à la maison. C'est à partir de quel âge tout ça ? Alors, tous les ateliers que j'ai cités là, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. Et après, le reste de l'année, on a aussi une programmation pour les plus petits et pour les plus grands. Ça veut dire qu'on arrive, on vous laisse la marmaille et on s'en va ? C'est comme vous voulez. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible. Soit vous nous laissez les enfants et on en prend soin comme de la prunelle de nos yeux et vous revenez une heure et demie après. Ou alors, si les parents, les grands-parents veulent rester et participer, ils sont les bienvenus. Ah, on peut manger des bonbons avec ses enfants. Imaginez, c'est fabuleux. Eh ben merci pour toutes ces informations. Alors, rappelons les dates essentielles. Sur les vacances d'hiver, le 17 février, l'atelier gâteau façade à Saint-Ouen, et l'art du vitrail, une initiation qui aura lieu le 19 février. À la Ville aux Dames. Et pour toutes ces animations, les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site internet. Parfait. On marque une pause en musique ensemble, Camille, et puis après, je vous propose qu'on parle des actions éducatives que vous proposez tout au long de l'année, comment vous les construisez, comment ça se passe. On a envie de tout savoir de l'envers du décor. Got me singing Georgia, I do anything for you. Everything's gold, my confidence goes when you come. I wish I could know how you melt in my snow, make my heart to run. I don't need your love, but the one that the sunshine on winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face. Singing Georgia, I'll do anything for ya. I know I lost a fortune, but at least I know I'm fully in. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing. I say you got me singing. I say you got me singing Georgia. She was my own, chased the rabbits north, but all she wants is carrots. I'm just trying to be even, she don't even. Eventually I lose my balance. I don't need your love, but I'ma take it like you are through designer clothes. I don't need your drugs, but I'm feeling, hoping I don't overdose. You got me singing Georgia, anything for ya. I know I lost the fortune, but at least I know I'm fully in. I say you got me singing Georgia. I say you got. got me honey. I just hope he ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope he ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope he ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. Got me singing Georgia. I'll do anything for ya. I know I lost a fortune, but at least I know I'm fully in. Da Autor avec Georgia, un titre choisi par Camille Touleland. Camille, si vous nous rejoignez, eh bien, elle est chargée de médiation patrimoniale au Pays Loire-Touraine, parmi les nombreuses casquettes qu'elle a, puisqu'elle est aussi adjointe de l'animatrice de l'architecture et du patrimoine. Camille est venue nous présenter les animations prévues pour les vacances de février. Mais au-delà des vacances, sachez que le service propose énormément d'actions pédagogiques avec les écoles, les centres de loisirs, les structures jeunesse. Comment se construit cette programmation annuelle, Camille ? Alors en effet, c'est toute l'année. Il faut savoir que le programme que chacun peut trouver dans les mairies, les offices de tourisme, etc., c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Mais comme tu le disais, il y a une programmation vraiment intense toute l'année auprès des établissements scolaires du territoire. Avec ma collègue Anna, on réalise une petite centaine d'interventions chaque année. Petite, dit-elle. On va rencontrer les élèves, que ce soit des élèves de maternelle, primaire, collège, lycée, vraiment tous les niveaux. Et le principe, c'est qu'en fait, on va chez eux. C'est vraiment ça qui est important pour nous, c'est qu'on va leur montrer que dans leur ville, dans leur village, voire dans leur hameau, il y a du patrimoine qui est très intéressant à découvrir. Dans tous les villages, il y a quelque chose à découvrir. Ah oui. Ouais. Ah oui. Oh, c'est certain. Dit-elle, mais alors vraiment convaincue. Il y a toujours à minima une église, un monument aux morts, un arbre remarquable. Oui. Et qu'est-ce qui guide les choix ? Est-ce que c'est par rapport à des thématiques patrimoniales qui peuvent être, pourquoi pas, nationales ? Je pense aux journées du patrimoine, des choses comme ça. Est-ce que c'est l'actualité ou est-ce que ça peut être des commandes aussi des enseignants ? Alors, ça peut être tout ça un peu à la fois. On a, nous, un catalogue, entre guillemets, d'actions éducatives qu'on transmet à tous les enseignants. Et on a des visites, des ateliers qui sont clés en main sur différents thèmes. Et donc, les enseignants peuvent nous contacter pour nous demander d'intervenir sur ces thèmes qu'on leur propose de nous-mêmes. En plus de ça, il y a en effet certains enseignants qui nous contactent pour des projets un peu sur mesure en fonction de la thématique qu'ils ont choisi de travailler cette année-là avec leurs élèves. En fonction de l'actualité de la commune aussi, s'il y a par exemple un édifice qui est restauré ou un chantier dans la commune. Et puis en effet, selon les thématiques des événements nationaux, tu as parlé des journées du patrimoine, il y a aussi, nous on aime beaucoup travailler par exemple pour les rendez-vous au jardin au mois de juin, on fait toujours des journées pour les scolaires avant le week-end, ou encore au mois d'octobre pour les journées nationales de l'architecture, là aussi on fait... En fait, le ministère de la Culture a une opération qui s'appelle « Lever les yeux ». Donc, c'est avant tous ces grands week-ends d'événements nationaux, il y a des journées spécifiquement dédiées aux scolaires où on leur propose de lever les yeux sur leur village, sur ce qui les entoure. Est-ce qu'il y a une action ou un moment de médiation qui, parmi tout ce que tu viens de nous citer, t'a particulièrement marqué ? Alors, plus qu'une action peut-être, je dirais que personnellement, j'aime beaucoup le travail qu'on peut faire avec les élèves de maternelle. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas trop initialement. C'est vrai que à l'origine, le Pays d'Art et d'Histoire travaillait principalement auprès des élèves de primaire, parce qu'il y avait énormément de choses à mettre en place avec eux. Et puis, depuis quelques années, le service s'est étoffé. À l'origine, Lauriane était seule dans le service, et puis maintenant, nous sommes trois. Donc, étant plus nombreuses, on peut se permettre de faire plus d'interventions. Et du coup, on a pu imaginer aussi des choses auprès des maternelles, des collèges et des lycées. Voire même, je me permets, mais voire même encore plus petit, parce que je pense à ton tapis des mille merveilles. Alors, on fait en effet pour certains événements nationaux, comme les rendez-vous jardins, on a des animations pour les tout petits. Oui. Et j'ai pu travailler aussi, par exemple, avec des relais d'assistantes maternelles. Et on a mis en place des animations avec, les moins de 3 ans. C'était très chouette. Et voilà, donc on fait beaucoup de choses, notamment pour les maternelles. Ils sont hyper demandeurs, vraiment, ils adorent ça. Ils sont très curieux. Et sous forme de jeu, une approche évidemment plutôt ludique, on peut leur faire passer plein de messages et on peut aborder plein de sujets différents. On a par exemple la visite guidée, classique entre guillemets, mais adaptée aux maternelles. On a par exemple « Mon doudou fait la visite ». Donc nous, on a une petite mascotte qui s'appelle Joséphine, c'est une petite oursonne. Et c'est elle en fait qui, on voit par ses yeux à elle, on découvre le village ou la commune. Et puis les enfants évidemment de la classe sont invités à amener leur doudou aussi pour les emmener en balade. On a par exemple aussi pour les maternelles un atelier qui marche super bien, qu'on a appelé « L'architecture en pleine forme ». Et en fait, il y a plusieurs petits pôles. Donc évidemment, c'est sur le thème de l'architecture. Il y a par exemple un premier pôle où on a un super livre pop-up des trois petits cochons. Donc on le découvre avec eux. Ouais. Et puis après, on a des éléments de matériothèque. En fait, on leur fait découvrir, toucher un morceau de bois, un morceau de brique, un morceau de tuffeau. Mmh. Et puis on questionne un petit peu les matériaux de construction. Ensuite, on travaille sur les formes géométriques. En fait, on imprime en grand des photos d'édifices de la commune, donc leur école, leur église, etc. Et puis, ils collent des gommettes pour essayer de reconnaître, il y a cette forme de triangle, tiens, il y a un oculus, donc une fenêtre ronde sur la maison, on va coller un cercle. Ça marche bien aussi avec les tout-petits. Et puis, on a aussi... alors, nous, on voyage jamais léger quand on vient dans les écoles. Ça, c'est clair. On a, par exemple, des Lego géants ou des grands cubes en mousse qui permettent de construire des architectures. On a beaucoup de matériel et on s'amuse beaucoup et on apprend beaucoup. Beaucoup de matériel et beaucoup d'outils, parce que sur le site internet, on peut aussi télécharger ces petites fiches Rallye Patrimoine, son jeu des sept familles du patrimoine. Il y a plein d'outils en ligne. Oui, tout ça, c'est gratuit et puis ça peut être fait toute l'année par les familles, les enseignants avec leur classe. C'est vraiment à disposition de tout le monde. Faut pas hésiter à s'en saisir. Si tu devais donner envie, toi, Camille, à quelqu'un qui n'a jamais participé à une animation du Pays Loire-Tour, oui, ça existe, il y en a qui ne sont jamais venus, qui ne se sont jamais inscrits, mais qui vont le faire, évidemment, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je dirais qu'on est un peu tous pareils, c'est-à-dire que quand on va en vacances quelque part, on visite, on découvre, et en fait, chez nous, on ne le fait pas parce qu'on part du principe qu'on connaît. Et en fait, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on apprend toujours des choses. Mais c'est clair. Et que ce soit les communes autour de nous ou même notre propre commune, participer soit à une visite, soit à un atelier ou même à un spectacle dans un des lieux de la commune, ça permet de le voir autrement et puis d'apprendre plein de choses sur des endroits qu'on pensait connaître et qu'on ne connaît pas si bien que ça. Eh bien, merci beaucoup Camille. On va rappeler quand même où on peut retrouver toutes les infos et s'inscrire aux activités. Alors, sur notre site internet, paysloiretouraine.fr, dans les offices de tourisme, donc que ce soit ceux de Montlouis et Vouvray, Bléré, Chenonceau, Amboise bien sûr, et la Maison du Tourisme à Château-Renaud, et dans toutes les communes du Pays d'Arrêt d'Histoire. Voilà donc des animations pour février, mais aussi toute une offre éducative qui vit au fil des saisons. De quoi découvrir le territoire autrement et puis faire du patrimoine une aventure à la fois vivante, accessible et tout ça dans la joie. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. C'est la fin de ce mag. Rendez-vous demain dès 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.